nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème. La 80e. Oh. Yeah! C'est étonnant. L'année de ma naissance. Wow! Wow! Oui, et ouais. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on est au bar. Les passages sont allés nous voir. Hey, 3 belles semaines. Oui, à se faire... À se faire livrer de la banquise. On mange de la bière. 3 fois par jour. C'est délicieux, hein? Oui. Ouais. Vraiment. On a essayé toutes les salades de la banquise. Tout là, leur menu santé. Là. Oui. Ils ont de la salade? Non. Au pogo. Salade sauce d'entendre. Moi, c'est le menu déjeuner que j'ai aimé. Messieurs, on s'est là. Ici Frédéric Rambouchet en compagnie d'Antoine Vézina. Salut, Fred. Salut, Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut, Fred. Salut, Antoine. Salut. Comment ça va, Mathieu toi? Bouillon. Bonsoir à tous. Ainsi salut. Que Guillaume Lemay. Hey! Salut, Guillaume. Salut. Comment ça nommer tout le monde? Bon. Oui, alors déjà, ce podcast-là devrait être diffusé dans 3 semaines, ça veut dire fin juin. Oui, ouais, exact. Sinon, début juillet. Fred, j'ai regardé les commentaires qu'on a reçus. Oui. Ben oui, c'est intéressant. Oui, on a reçu énormément de commentaires sur notre spécial Pardon de la semaine passée. Oui, c'est vrai. Oui. On a eu des communautés religieuses qui veulent se joindre au panel. Oui! Il se peut que d'ici 4 ou 5 semaines, des moines franciscains rejoignent, pas de problème. Non. Et on va te remplacer, Jean-Philippe. Ben, c'est correct. Non, je vous pardonne, tout va bien. Oui. Non, mais moi, c'est ça. J'ai découvert une espèce de nouvelle passion grâce à cet épisode-là, je dois vous avouer. J'ai découvert un petit peu plus la grande vallée de Jésus. Ça a fait le tour, là. Non, on va pas faire des jokes d'aumônier, là. Non. Qui? Et l'aumônier du problème. La bédaine. OK, alors... on a un autre problème, messieurs. C'était la bélado-diffusion. Oh, la bélado! Oh. Dire que tu fais ta carrière. Sur le choc. Ah oui. On a un problème? Oui. Oui. Oui. Et, est-ce qu'elle veut le crier ou on le dit? Est-ce que tu veux crier ton problème, Marie-Pierre? Dans le micro. Crier de proche. Ici, c'est bon. Oui, attends, tu peux le dire. Vas-y. Tu dis ton problème dans le micro. Dans le micro. À toute la francophonie. Très proche. Mon problème, je perds toujours mes clés de voiture. Parfait. De voiture. Alors, comme elle a dit, les clés de voiture. Non, mais attends, là. On va prendre son problème de proximité avec le micro pour un autre podcast. Non, merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est juste pour te dire, t'as échappé tes clés sur la scène. Elle est perdue, la fille. Elle est perdue. Elle est perdue. Bon. Moi, je ne conduis pas, donc je peux me projeter avec ma clé de Bixi. Non, j'ai coulé mon permis. T'as coulé ton permis? T'as coulé ça? Il faudrait régler ça. C'est une très bonne solution, ça. Ouais. Impossible. C'est bon, je te vois pas conduire. On dirait que le destin a fait la bonne chose. Je serais dangereux, je pense. Ben voilà, oui, clairement. Ouais, vraiment. Ah, mon Dieu. Les gens avec un Bixi, il y a toujours... Des gens qui traînent derrière toi, que tu ramasses en chemin. Tout à fait, oui. Anyway, Mathieu, ça écœure un peu le monde qui conduise en bedaine. Fait que je contacte pas ton... Je fais juste ça les journées où il fait très chaud. Non, mais Mathieu, je pense que je t'ai déjà vu conduire sur Saint-Denis avec tes baguettes de drum puis en écoutant la musique, les fenêtres ouvertes. Oui, j'ai fait ça, c'est vrai. Oui. Yes! C'était toi, ça. Oui. Antoine Rossignol. Ouais! Ça vous dit quelque chose? Change de nom! Je suis sous le choc. C'est le gars qui a inventé les clés de char? Non, mais c'est peut-être un des serruriers les plus connus, les gars. Ah ouais? Wake up! Tony! Sous Louis XIV, il aurait inventé les meilleurs passe-partout, les fameuses clés squelettes qui permettaient, selon la légende à l'époque, d'ouvrir toutes les portes du royaume. Oh. Mais avant, il y avait 3 coches, genre, les clés. Ouais. Exact. Puis il y avait 2 serrures dans le royaume. Okay. Ouais, c'est ça. Non, il y en avait un peu plus que ça. Une ceinture de chasteté puis une grosse porte. Il y avait... une porte et un chapeau. Parce que pour moi, les meilleurs passe-partout, c'était ceux-là avec, mettons, le gros nez ou la grosse oreille. Yeah. Ou... Évidemment, avec les serrures, l'avènement des serrures à goupilles qui permettent plusieurs millions de possibilités, des passe-partout ont tranquillement disparu. Ouais. Donc, c'est pas une solution pour l'auto. Mais ça a duré longtemps quand même, les passe-partout. Là. L'idée de passe-partout. J'ai eu des appartements avec des clés intérieures, passe-partout. Oui, ben, oui, très longtemps. Puis ça passait partout. D'où leur nom, passe-partout. Ah! Mais où est passe-partout? Mais non, mais il est à Fort Boyard. Ah! Merci. Bon, toutes ces jokes-là sont faites. Oui. Déjà, sur Twitter, on a une solution qui est de Wedge129. Abonnez-vous à son compte. Il est bien le fun. S'acheter un vélo. Oh! Marie-Pierre. Voilà. Mais il faut que tu barres, pareil, non? Moyen. Un cadenas, clé de cadenas. Mais Bixi, il faut des clés. C'est quoi ta voiture, Marie-Pierre? Toyota Echo. Fait que t'as pas une de ces voitures modernes avec une où c'est possible d'avoir une clé électronique, là? Non. Mais par contre, avec une Echo, tu peux dire « J'ai perdu mes clés! J'ai perdu mes clés! J'ai perdu mes clés! » Chou! Peut-être aller voir des tweakers, des tuners, ceux qui ont pimpé les voitures avec Exhibit. Les Tupperware. Les Tupperware, il y a deux semaines. Tu vas les voir. Non, mais ça doit s'arranger de justement avoir... ouvrir ses portes avec une application. Il y avait un modèle de voiture, là, où il y avait des chiffres sur la serrure, ce qu'on trouve parfois sur des... maison. Mais il y avait 10 possibilités. Ouais, c'est ça. Oui, je l'ai! Mais donc ça, à chiffre, ou ce dont tu parles, évidemment, ces fameuses clés intelligentes. Ouais. On vient de recevoir une solution anonyme, alors appelons-le Monsieur Richard, mettons. mettre ses clés dans son lunch. Ah, oh, oui! Ah, c'est brillant. Fait référence à notre podcast d'il y a deux semaines. Voilà, non, c'est une très bonne idée. Mm-hmm. Mais également, semble-t-il qu'avec un cintre, puis un cutter... Puis beaucoup de temps. Tu touches deux fils en dessous, puis that's it. Tu peux prendre n'importe quel char. Tu débarres ta porte, là. Arrête, t'appelles le gars du CA à tous les matins. À la limite, il est là, il t'attend le matin. Salut. Ça job. Boum, et hop. Pour des taxis pour 20$. Pour 20$. Ou, Antoine, j'ai continué là-dessus, avoir un char vraiment dégueulasse et pas le barrer. Tu sais, il n'y a personne qui va te voler ça. Tu fais Même tes clés dedans, Fred? Hein? Tu laisses les clés dedans? Non, tu laisses le char rouler. Oui, tout le temps. Personne ne touche à ça. Ah, tu pars, tu roules, tu reviens. Diesel, n'importe quoi. Mais comment on peut dégueuler ce char-là de même? C'est-tu en invitant un ami qui sent mauvais dedans? Ou... Volant de caca. Ah! Oh. C'était pour toi, Mathieu. C'était pour toi que j'ai fait. Il est déçu. Ah, il est déçu en plus. Impardonnable. Mon premier public de caca. Des roues faites d'alliage de vieux condoms. Oui, c'est bon. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Non, une solution peut-être... C'est l'idée la plus dégueulasse. Mais ça pousse peut-être des gens à voler ton char, mais se faire des doubles, là, mais à profusion. Tu sais, avoir des clés de ton char partout. Tu sais, des boucles d'oreilles en clés... un bracelet de clé, tout le temps tes clés partout. Partout, t'as comme un côte en clé. Une côte en clé. L'hiver, là, impeccable. Des piercings érotiques, t'sais, clés. Un petit soute en côte de clé. En côte de clé. Ouais. Ils vendent le petit coffret secret aimanté tu peux installer sous la voiture quelque part en secret. Pardonnez-moi. Puis tu clashes la clé. Parce que j'ai un chat. Ou parfois, tu sais, quand il faut qu'on se passe une auto, puis qu'on laisse la clé, des fois, sur le pneu en arrière, quelque part, vous n'avez pas jamais fait ça? Oui. Oui. La clé va être là. Mm-hmm. Alors, au lieu de repartir avec ta clé tout le temps, tu caches ta clé dans ton auto, tu rentres, tu fais tes affaires, puis là, tu récupères la clé. Pas caché autour de... C'est un bon principe pour le faire chez soi, parce que personne te regarde, puis tu peux dire, viens chercher l'auto chez nous, je l'ai mis là, mais me voir dans la rue ici en face, là, couché en dessous, en train de cacher une clé, je cache clairement une clé. Ouais. Mais tu te trouves une raison. Là. Voyons, qu'est-ce qui coule encore en dessous de mon char? Mes billes, mes maudites billes. T'attaches ton soulier? Ben oui, t'attaches ton soulier. En dessous de la voiture. Oui. Ben oui. Ma balle, elle est où, ma balle? Hey, on a des, on a ici là, des solutions qui nous viennent de quelqu'un de la salle. Je pense que c'est monsieur ici, Guillaume Lemay, alias Jésus, qui vient nous porter. Il existe réellement un système basé sur le fameux téléphone sans fil qu'on cale avec sa base. Donc, c'est quoi? On appelle le téléphone simplement? La suite continue à aller! Matériel, un émetteur. Fred, je te laisse lire. Je comprends pas moi non plus. T'appuies, puis ça sonne au loin. Ouais. Là. Donc, le matériel, un émetteur compact qu'on fixe au porte-clés et un récepteur qu'on garde sur soi. Donc, le fonctionnement, un bouton pour faire sonner les clés. Ting, ling, ling, ling. Mm-hmm. Et un alarme qui sonne lorsque l'émetteur s'éloigne de plus de 30 pieds du récepteur. Ah ouais, intéressant ça. Donc là, ça veut dire que... Tu pars, ça sonne, tu fais, j'ai oublié mes clés dans mon lunch. Voilà. Et bingo! Ouais. Mais il y a toujours la solution cellulaire porte-clés. Tu sais, quand ton cellulaire devient ton porte-clés, tes appels, tes clés. Mm-hmm. Tu sais, ils sont où? Sont-ils mes clés? Oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens du milieu hip-hop qui se font mettre du métal dans la bouche. Pourquoi pas une clé de char sur la molaire ici, là? Ça se peut. C'était sur le Je pense que j'ai jamais dit ça en 80 podcasts, mais c'est la pire idée au monde. Oh non, non, non, non, non, non, non, non. Je suis désolé, il y en a eu des pires que ça. Je l'ai déjà dit. La tige avec le cadran. C'était la meilleure. Non, elle était bonne, celle-là. Oh, la main, la pire. T'en croises pas plein de gens sur la rue avec une tige et un petit cadre. Hey, allez écouter comment... C'est quoi? Comme, la vie passe trop vite. Ouais, comment ouais. Je pense que la stimulation génitale pour la coureuse, c'était une de nos mauvaises solutions. Oui, c'était pas c'est super. Une de tes mauvaises solutions. Voilà. Mais sincèrement, est-ce que j'ai une bonne solution par podcast? Je pense pas que j'ai cette moyenne-là. Ah, t'as au moins un 0.4. Oh, 0.4. Elle avait le moyen, évidemment, de s'équiper d'une décapotable. Oui. C'est sûr que l'hiver, c'est un autre trip. Mais en même temps, déjà, tu peux embarquer dans ton véhicule. C'est ça, il faut le démarrer. Mais déjà, il y a un bout de fête, là. Tu peux rentrer dedans. Mmh. C'est déjà bon. Ouais. Parle toi qui n'est pas là. C'est une décapotable. Oui. Dis, on enlève le... Je sais pas pourquoi on appelle ça décapotable. T'enlèves pas le capot, t'enlèves le toit, mais... Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on en parlait avant, mais on n'en a pas parlé pendant le podcast. Les voitures ascenseurs, maintenant, là. Ascenseur, pas ascenseur, mais... Je pense qu'on en a parlé tantôt, mais oui... Oui, mais comme la nouvelle Prius, quelque chose du genre, tu peux laisser ta clé dans ta sacoche, arriver à côté, puis la voiture va sentir la clé, donc va débarrer les portes automatiquement. Ouais, tu t'assois, puis ça part. C'est quoi ça? Ouais. T'as une clé? Ouais, ben les clés au bacon, ou les clés de voiture minouche, que les chansons. Ouais, c'est ça. Ben voyons donc. Comme une auto, ça te prend une autre clé quand même pour avoir accès à la clé. Mais déjà, t'oublies pas ta clé de char, t'oublies ta clé comme une auto. Mais quand t'as ta clé de comme une auto, t'as la possibilité d'avoir plein de clés. Ben ça, c'est pas pire, ça. Mm-hmm. Oui. Uh-huh. Mais le principe de l'ami qui a une clé, comme une personne qui a son appartement au condo, tu prêtes une clé à quelqu'un, tu dis si jamais je suis dans la merde, ben là, tu pourrais le faire avec je sais pas qui, là, ton ami, là, Luc, Claude. Ouais. Le classique, là, les clés de concierge, là, quand tu la clé dans le cou, c'est sûr que, bon, on a l'air un peu cave. Mais, tu sais, quand t'as une passe d'autobus à côté de ta clé, c'est moins pire. T'sais, c'est comme les vieilles madames, là, qui ont comme... Oh, mon Dieu! OK, on a une bonne solution. Les vieilles madames qui ont des lunettes avec une chaîne, là. Oui, tu peux accrocher la clé de ta voiture à cette chaîne. Oui. Un tatou du contour de ta clé, sur toi. Mm-hmm. Tu perds ta clé, mais tu vas voir le serrurier, tu fais... Check. Peux-tu me faire quelque chose qui ressemble à ça? Ouais, c'est bon. Et t'accotes le bras à sa machine, puis il fait le contour. Antoine! C'est super bon. Tu vas chez le dentiste, puis tu te fais faire tes dents. Mais oui, puis tu te rentres la tête dans la porte. C'est ça. Non, tu vas. Là, c'est la même affaire. Tu vas chez le serrurier. Mais là, c'est. Tu sais, c'est toi qui mets au lieu de la clé pour copier. Ah, ben oui, c'est Ah, oui, OK. Là, je comprends. Là, tu comprends. Et c'est génial. Mais par contre. Se mettre une clé dans la bouche, c'était pas une bonne idée. Mais la forme de la clé, ça, c'est une bonne idée. Tu vois juste, Mathieu. Mathieu, j'ai de la misère à lire. Peux-tu me dire ce que Éric Foissy a écrit sur Twitter? Et il nous écrit « Je suis atteint de twittophilie. » Ah, c'est pas ça, hein? Non, non, ça, c'est... C'est sûrement pas ça. OK. « Se faire percer un anneau sur le prépuce en guise de porte-clés. Si tu perds tes clés, tu vas le sentir en tabarre. Et... » Onomatopée, oui. Mais c'est y a pas tard. Hein? Merci. Mais Marie-Pierre, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de prépuce. Peut-être se faire poser un prépuce. Se faire poser un prépuce, peut-être. Là, la solution. N'importe où, hein. Il y a Esther, là, tu peux. Ouais. Ça a l'air d'un acrocordon, à l'image. Ouais. Ouais. Tu t'habilles ou dans ton manteau, oui. T'as un énorme électro-aimant. Oh, cling, cling. Oui, donc tu pars et tout ce qui est en métal dans ton appartement, dans ta maison. T'es collé dans le dos. Oui. Puis t'arrives en bas, « Ah, j'ai pas mes clés. » Ben non, il doit être sur les mains. Mais j'ai un chaudron pour briser cette... Ils sont peut-être dans le micro-ondes que j'ai dans le cou. Oui. Là, tu fouilles dans tout ce que t'avais de métallique, puis là, tu retrouves tes clés. Voyons donc, la base. Bon. Sinon, souvent, les gens ont une petite tablette où ils peuvent déposer leurs clés. Tu sais, souvent, il y a même un pot à fruits. Hein, c'est niaiseux, mais oui, c'est le rituel. Le petit crochet. C'est le plus terre à terre, mais le rituel. Mais ce qu'on appelle anciennement le vide-poche. Ouais. On a un petit cendrier, nous autres, qu'on utilise clairement pas pour fumer, mais pour mettre les clés. Ouais. Mm-hmm. Il y a des amis de filles aussi qui peuvent servir de... vide-poche. Bon. Moi, je suis étonné par les gens qui sont ici au bar Les Passages. Mais pas tout le monde. Mais la plupart qui crient, hein. Mais est-ce que vous faites ça quand vous écoutez le podcast tout seul? Yeah! Yeah! Wow! Ah, mais je bois pas, moi. Je comprends. C'est peut-être une solution possible, boire en nous écoutant. Alors, peu importe, en autobus. Associer ta clé à quelque chose d'important. Comme? Ta pompe d'asthme, ta clé de maison. Ouais. Tu sais, quelque chose où tu fais, je pars toujours avec ça, puis t'en as besoin pour vivre. Tu sais, ta dialyse, la machine de dialyse. Ton Lipsil. Avec ton la clé. Lunch. Mais. Essentiel. On parlait de modifications corporelles. Mm-hmm. Oui. Ça se peut. Il y a quelqu'un qui s'est fait. Puis tu parlais d'aimant tantôt. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est fait transplanter un aimant. Arrête donc. Oui. Mais là, tu fais... Ici, dans le bras. Non. Il est là, il vient d'entrer. Non, mais tu te fais transplanter un aimant, puis tu as toujours ta clé sur le bras. Ben oui, c'est brillant, ça. Pas trop beau. J'ai quasiment envie de le faire. Maintenant. Fallait. Mais j'ai un gros porte-clé. Trouvez-nous un aimant, un couteau, du feu. Ça sera live. Du mercure au gros. Merci, Antoine, de penser au feu. Cotériser la plaie. Hein? Tu barres pas. Barres pas ton auto. Ouais, mais moi, je dis aussi que d'attendre quelques années, il y a sûrement une technologie qui va venir avec les empreintes digitales, reconnaissance vocale. Ouais, là, il y a des boutons d'allumage aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, sous peu, les clés, là, c'est porté à disparaître comme les balado-diffusions. Ou revenir dans le. On a une solution dans la salle, oui? Le char des pierres. Exact. Pour se rendre à la carrière Miroc, il n'y a rien de mieux. Oui. Ou juste avoir un perroquet qui, comme klaxon. Qui mange les poubelles. Dire que j'ai fait le conservatoire. Mais est-ce que ça prenait des clés, tu penses? Pour Comment? Fred, est-ce qu'il avait des clés pour démarrer sa voiture? Non, il y avait... Non, il était à pied, non? Non, c'est ça. Des fois, ça prend une clé, puis il marche à pied pareil. C'est un univers bien spécial. Mais, c'est très précis comme univers. Oui. Je vais y aller avec une tranche de vie qui peut être peut-être une solution. Ma mère, elle avait un char tellement cheap. Oui. C'était une Dacia, qui est un char roumain. Oui, roumain. C'est, ils ont fait des Dacia, puis Nadia Comăneci. C'est ça, elle l'avait acheté en 76. Et la porte était tellement difficile à verrouiller parce qu'il y avait comme un système de... Tu sais, c'était pas un piton. Il fallait que tu utilises tes deux mains. Fait que c'était difficile à verrouiller. OK. Il fallait que tu marchandes l'ouverture de la porte. Comment? Tu marchandes l'ouverture non, mais de la porte. Tu négocies avec l'auto. Elle était difficile à ouvrir aussi. Fait que juste acheter un char qui est difficile à ouvrir, mais que seul toi, tu sais comment ouvrir. Ah, mais je pensais que tu allais parler de la fois où tu m'as appelé, Fred, puis que tu avais oublié tes clés dans l'auto qui roulait. Ah, c'était bien ça. Je voulais pas en parler. Ah, ben, on oublie ça. Impardonnable. Impardonnable. Je salue mon frère qui m'avait prêté sa voiture. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de voiture. Hein? J'oublie soit les clés dans le char ou j'ai des étiquettes à pu finir. Oui. Oh ouais. Voiture tirée par les chevaux? T'as pas besoin de clé pour débarrer ça, un cheval. T'as bien raison. Est-ce que c'est une solution tirée par les... chevaux! chevaux! Ah, c'est chevaux. Ça, c'est bon, non, mais Marie-Pierre, toi, tu vas beaucoup au Vieux-Port, en plus, je pense. Fait que ça serait parfait, tu sais. À l'hippodrome, peut-être. Ah, fait oui. Elle fait oui de la tête. Oui, oui, régu. Il y a feu, Grand Antonio. Elle fait des pouces en l'air. Oui, c'est vrai. Oui, se faire tirer de sa voiture par les cheveux du Grand Antonio. Mais se faire pousser des gros dreads. Gros dreads, très solides. Faut juste un peu de beurre de peanut. Bon, les filles de Deba Caracol peuvent vous le dire. Beaucoup de reggae. Ah, tu peux t'engager un chauffeur aussi. Oui. Oui. Ah, c'est lui qui a la responsabilité des clés. Ou juste quelqu'un qui tient ta clé à côté de ton char. Oui. Salut, merci. Ouais. Merci, Paul. Bonsoir. Oui. On a une solution ici. Faire du pouce. Don Béchard. Faire du pouce. Sur Twitter, on a... vendre son char. Vendre son char de Maude Laurier. Un énorme porte-clé. Un énorme porte-clé, comme ça, tu t'enferges. Tu peux pas le perdre. Tu le perdras pas. Un immense lunch aussi, on aurait dû penser. Si ton char est ton porte-clé à quelque part... Il y a comme une affaire. La roue qui tourne. Tu sais, le serpent qui mange sa queue. Ou mettre son char en dedans et laisser ses clés dans la rue. Yes! Yes! Puis tu portes tes clés avec ton char. Ouais! Mets le char dans tes poches, puis tu conduis ta petite clé à la maison. Oui. Ah, je pense que j'ai une bonne idée. Se marier avec, mettons, quelqu'un que t'aimes. Et, ça commence bien. Et utiliser le porte-clé en guise d'anneau de mariage. Bravo. Donc, les deux personnes ont toujours la clé de char dans leurs mains. Oui. Mm-hmm. C'est beau, romance. Hein? C'est vraiment... Oui. Là-dessus, il faut... Choisir notre solution préférée. Faut closer. Ouais. Moi, ce sont les alliances de mariage. Moi aussi, ce sont les alliances de mariage. À moi, c'est la modification corporelle. Non, Fred, ce sont les alliances de mariage. Mais je viens de penser à une autre affaire. Tu sais, ceux qui ont les ongles les plus longs au monde, là... Oui, les dégueulasses. Mais juste... les putes. Juste longs comme une clé. Oui, mais un ongle, ouais. J'ai pas dit les bottes les plus longues au monde. Non, mais juste un ongle long comme une clé. Là, tu t'as fait... C'est rendu... C'est ton ongle! Ton ongle clé. Ton ongle, c'est ta clé! Yeah! Hey, c'est... Ouais. Non, pas ma solution préférée. Mais vous allez vraiment être shifté dans 2 ans quand tout le monde va avoir des ongles clés. Des onclés. Les onclés? Ouais. Ouais. Non, moi, j'y vais... Onclés! Antoine, prends une sage décision. Onclés! Non, ben, une petite prière à Saint-Antoine de Padoue. Yeah. Oui. Mais je comprends que... Merci. Mais je comprends, Antoine, que toi, tu te réfères à la prière, parce que d'ailleurs, ce qui est écrit sur ton T-shirt, il y a quand même un rapport à la foi. Là, oui, c'est un prêtre qui est en prière. Il dit « Amen de la bière ». Ah, c'est magique. Non, mais j'essaie de... Juste avant de se quitter, j'essaie de trouver le podcast où la personne nous demandait quand... quoi faire parce qu'elle perdait toujours ses bas. C'était le numéro 1. C'était le numéro 1. Ouais, arrête, c'est premier, le numéro 1. Vous référez à notre premier podcast. Que de souvenirs. Ah, il y avait beaucoup de... Ouais, c'était sur les pertes. Et mais regardez, on va l'écouter tout le monde ensemble. Non, c'est pas vrai. Attends. Non, c'était pas ça, le numéro 1. Non. C'était « J'ai besoin d'entrer 30 heures dans une journée de 24. » C'était pas le démo qu'on avait fait? Non. Non, je viens de raccrocher. C'est genre 4 ou 5 d'abord. OK. 3, ouais, pas 3. Podcast numéro 3. Hey, merci les deux gars de sonore qui volent du stock. Pascal, hey, Vincent. Hey. Merci beaucoup. Merci également. Bon. Ça brise le continuum espace-temps. Oui, de temps alors... Déjà. C'est une première, on fait jouer un podcast dans le podcast. Wow! Non, merci, Sonore. Merci, oui, merci. Le bar Les Passages. Merci au bar. Merci beaucoup. Merci au public. Oui, merci bravo. Au public. Alors, il nous reste une semaine live seulement. Mais d'ici là... Vous avez un problème, nous avons un podcast. Et la meilleure solution est celle des anneaux. Les anneaux.